Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 9. 4. Notre compassion avec la compassion de la Sainte Vierge. Nous avons maintenant à parler de notre compassion avec Marie, comme étant une imitation de sa compassion avec Jésus, ou, en d'autres termes, à montrer que notre compassion avec Marie est elle-même une adoration de Jésus et une vraie compassion avec lui. D'abord, la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge est très agréable à notre Seigneur lui-même. Nous avons cité, dans le premier chapitre, la révélation faite par Jésus à la bienheureuse Véronique de Binasco. Révélation dans laquelle il lui dit que les larmes versées sur les douleurs de sa mère étaient plus précieuses à ses yeux que celles qui étaient versées en mémoire de ses propres douleurs. Peut-être nous sera-t-il permis d'expliquer que ceci nous enseigne ce qui, de soi-même, paraît certainement vrai, savoir que la dévotion aux sept douleurs amène avec elle, par une sorte de nécessité, la dévotion à la passion, tandis que la dévotion à la passion ne semble pas comprendre si nécessairement la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge. La dévotion à la passion, dans laquelle une place et une participation convenables ne sont pas assignées à Marie, n'est pas une dévotion conforme à l'Écriture, et indique de plusieurs manières, dont ce n'est pas ici le lieu de s'occuper, une vue imparfaite et indigne de la passion elle-même. Cependant, il n'est pas rare de rencontrer cette dévotion partielle, qui tend plutôt à nous tenir à quelque distance des douleurs de Marie qu'à nous conduire vers elle. Le caractère de cette dévotion est basé sur une méprise, par un raffinement prétendu théologique, mais en réalité indigne de la théologie, et croyant faire une merveille de controverse, quelques-uns affectent un soin d'ignorance jalouse à tenir Jésus et Marie séparés, à ne pas les laisser empiéter l'un sur la sphère de l'autre. C'est ainsi qu'ils s'imaginent qu'en parlant aussi légèrement qu'ils l'osent de la mère de Dieu, ils rendront la vérité plus attrayante aux yeux d'un monde incrédule, pour lequel l'abaissement incroyable de Jésus dans son sacrement est déjà une pierre d'achoppement beaucoup plus grande que l'incroyable exaltation de sa mère. D'un autre côté, nous croyons que la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge amène avec elle, comme résultat invariable et pratique, une dévotion profonde, tendre, exacte, soigneuse et révérente pour la Passion. Nous oserons encore lire, dans les paroles de notre Seigneur, l'intention affectueuse qu'une réparation soit faite à Marie pour sa compassion, de même que sa compassion était la grande réparation de la passion de Jésus. En inspirant cette dévotion à des saints et à des ordres religieux, et en envoyant sa grâce puissante et efficace pour l'accompagner, Jésus récompense Marie pour la réparation si belle de sa compassion. Mais quels que puissent être les autres sens de la révélation faite à la bienheureuse Véronique, pour son avantage personnel, comme toute autre révélation privée, du moins, prouve-t-elle que la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge est particulièrement agréable aux yeux de notre Seigneur. Cette dévotion a aussi une liaison remarquable avec une grande sainteté intérieure, c'est ce que prouve l'expérience. Et il ne faut pas s'en étonner, car c'est, en effet, une dévotion qui, naturellement, nous rend pieux, parce qu'elle nous fait vivre et respirer dans une atmosphère d'affliction. Elle montre la vanité des joies de ce monde, elle ramène nos pensées à la raison, elle les tient près de Jésus-Christ, et près de Jésus-Christ crucifié, elle communique à nos âmes l'esprit de la croix, et le don enviable de l'amour des souffrances, très souvent, commence dans une dévote familiarité avec les afflictions de notre Sainte Mère. Plus que la plupart des dévotions, elle tend à rendre l'esprit surnaturel, parce qu'elle le tient dans une sphère de beauté céleste dont l'aspect et le parfum passent en nous. C'est une sphère dans laquelle les opérations divines les plus merveilleuses se mêlent avec les maux et les afflictions ordinaires d'un monde souffrant, de manière à exprimer cette union d'humilité et d'abnégation dans laquelle les plus grandes grâces de la vie spirituelle prennent racine. En outre, les idées dominantes auxquelles cette dévotion attache nos esprits sont justement celles qui sont les plus solides et les plus essentielles dans tous les efforts persévérants que nous faisons pour atteindre la sainteté, car elles nous unissent à une douleur permanente du péché, qui a causé la souffrance de Marie, du péché, qui a causé la souffrance de laquelle Marie s'affligea, de notre propre péché, qui était réellement présent et exerçait son influence sur l'une et l'autre de ces deux souffrances, en offensant à la fois la mère et le fils. Cette même dévotion nous unit au sentiment perpétuel de la nécessité de la grâce, au sentiment qui nous fait compter d'une manière absolue sur la grâce, et reconnaître cette prompte abondance de la grâce, sur laquelle repose notre confiance filiale. Cette dévotion est toute teinte du précieux sang, et, ainsi, nous place au fond même du Sacré-Cœur de notre Sauveur. Il n'y a aucune âme que la mondanité attaque plus difficilement que celle qui est retranchée derrière les douleurs de la Sainte Vierge. Il n'y a dans cette dévotion rien sur quoi le monde puisse se greffer. Il n'y a en elle rien qui soit de la même nature que l'esprit ou les voies du monde, rien même que le monde puisse falsifier pour ses propres fins, ou détourner frauduleusement pour ses desseins. De plus, ce fut dans ces douleurs que les grandeurs de la sainteté de Marie se formèrent, et se formèrent d'éléments qui nous sont communs avec elle, proportion gardée. Il est difficile de vivre au milieu de grands exemples sans en recevoir l'influence. Les leçons que les douleurs de Marie nous enseignent sont utiles à presque chaque pas de la vie, et sont très appropriées au temps même où la grâce a coutume d'être le plus active en nous, et elles nous sont données avec une si vive tendresse, avec une si touchante simplicité, et au milieu de tant de rapports entre notre Mère Immaculée et nos âmes coupables, qu'il est difficile de concevoir une école dans laquelle tant de sagesse céleste soit enseignée d'une manière si attrayante que dans la compassion de Marie. En outre, cette dévotion aux douleurs de Marie est comptée, par les théologiens, comme un des signes de la prédestination. Certainement une attraction spéciale de la grâce est comme une douce prophétie de notre persévérance finale, et c'est par une attraction spéciale de la grâce que nous nous livrons à cette dévotion. Nous avons cité, dans le premier chapitre, une révélation par laquelle notre Seigneur fit connaître à Saint Jean l'Évangéliste les quatre grâces que c'était sa sainte volonté d'attacher à cette dévotion. L'une desquelles concernait le don de la contrition parfaite avant la mort, et une autre, la protection de la Sainte Vierge à l'heure de la mort. Peut-être cette révélation a-t-elle conduit à comprendre la dévotion aux douleurs de Marie dans le catalogue des signes de la prédestination. Car nous nous rapprochons bien près de la Reine des Grâces, lorsque nous ressentons la douleur du péché, qui renferme en elle la grâce et plus que la grâce des sacrements. La contrition est la plus proche parente de la persévérance, et la promesse de l'assistance de la Sainte Vierge à l'heure de la mort n'est pas fort éloignée d'une assurance de salut. Carthagène a dit, un homme peut regarder comme le signe le plus assuré de sa prédestination, d'avoir ressenti de la compassion pour cette mère très affligée, car les anciens nous disent qu'il a été accordé à la Sainte Vierge, par le Christ, notre Seigneur, que quiconque méditerait sur cette douleur maternelle pourrait être sûr d'obtenir toute faveur concernant le salut de son âme, et, en particulier, la grâce du vrai repentir de ses péchés avant la mort. Ainsi, la dévotion aux douleurs de Marie est une des meilleures préparations à la mort, non seulement à cause de la grâce spéciale promise pour l'heure de la mort, mais encore parce qu'elle concerne les soins donnés par la Sainte Vierge et notre Seigneur à l'heure de sa sainte mort. De là, il y a un rapport entre cette dévotion et la mort. Et, après tout, que devrait être la vie, si ce n'est une préparation à la mort? Et quelle grâce devrait mieux attirer notre humilité que celles qui nous promettent leur secours à cette heure redoutable? Hélas, ce n'est pas à des êtres tels que nous à attendre la mort d'un air de triomphe ou même avec impatience. Nous ne sommes pas des saints. C'est pourquoi le triomphe semblerait en nous inconvenant, et l'impatience est assurément prématurée. C'est assez pour nous, avec nos faibles vertus, d'être résignés à mourir, et de craindre courageusement ce que nous sommes, résignés à endurer. De belles paroles sont faciles à dire, et l'amour en est très prodigue, quand nous ne sommes pas tentés, et que Dieu nous inonde de cette douceur intérieure, qui nous donne tant de facilité dans la prière. Mais quand nous sommes tentés, nous devenons silencieux, et, quant à notre tentation, s'ajoute la sécheresse spirituelle, non seulement nous restons taciturnes, mais nous nous abandonnons aux plaintes et à une humeur chagrine. Alors nous sommes bientôt abattus, et nous apprenons par la leçon utile de la réalité de notre misère intérieure et de notre impuissance. Mais si la sécheresse et la tentation apportent de tels changements, qu'amènera la mort? Elle nous montrera la nécessité de la grâce, et nous demeurerons terrifiés et sans voix à la vue de cette nécessité, qui sera alors pour nous si poignante, qu'il est effroyable d'y songer, lorsque nos pensées s'y appliquent sérieusement. Et combien ne nous sera pas précieuse alors une dévotion à laquelle sont attachées deux promesses spéciales pour le lit de mort? L'or et les perles ne pourraient suffire à en compter le prix. Mais il faut que la dévotion ait duré toute la vie, afin d'hériter légalement des promesses faites pour le lit de mort. Il n'est pas nécessaire, parce que nous nous en sommes déjà occupés dans le premier chapitre, de parler de l'autorité de l'Église, de la libéralité de ses indulgences, des exemples des saints, ni des annales des conversions innombrables, qui attestent toutes combien cette dévotion est puissante et combien elle est agréable à Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que la Sainte Vierge a un droit spécial à notre dévotion à ses douleurs. C'est une partie des devoirs des fils envers leur mère d'avoir de la compassion pour elles dans leurs épreuves et dans leurs afflictions, de quelque nature qu'elles puissent être ou de quelque cause qu'elles puissent provenir. Mais cela est encore bien au-dessous de nos devoirs envers les douleurs de Marie. Nous avons été nous-mêmes une partie de ses douleurs. Nous avons été les causes de ses souffrances. Ce n'est pas seulement pour notre bien qu'elle a souffert, mais aussi à cause de notre méchanceté. C'est pourquoi il n'y a aucune dévotion envers elle à laquelle nous soyons obligés d'une manière si étroite qu'à la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge. Il n'y a aucune expression de notre amour qui soit plus convenable ni qui soit pour nous un devoir plus impérieux que la compassion avec la compassion de Marie. De toutes les dévotions envers elle, il n'y en a pas de plus compréhensible. Elle comprend le plus grand nombre des mystères de la Sainte Vierge et nous tient le plus près de notre Sainte Mère, tandis qu'elle-même est dans l'union la plus étroite avec Jésus. Cette dévotion pénètre profondément dans le cœur immaculé de Marie. Elle jette la lumière la plus vive sur les sommets de sa maternité divine, et en même temps la dévotion spéciale de sa maternité pour nous. Cette dévotion nous permet de nous acquitter le mieux de nos obligations envers elle et en même temps fait brûler nos cœurs de la flamme la plus vive. Elle convient à la fois aux nécessités de notre bassesse et aux splendeurs de celle qui en est l'objet. À la perfection de cette dévotion comme dévotion envers Marie, si nous ajoutons la perfection qu'elle renferme comme dévotion envers Jésus, le tableau sera complet. La dévotion vaut la plus grande envers notre Seigneur est de prendre nous-mêmes possession de son esprit de l'apprécier, de l'accueillir, de sentir, d'agir et de souffrir dans cet esprit. Nous sommes les disciples de Jésus d'une manière d'autant plus excellente que nous faisons et souffrons tout dans une union plus grande avec lui. Nous avons à devenir chrétiens. C'est l'affaire de la grâce de multiplier dans tout le monde les copies et les ressemblances du Verbe incarné. L'union avec Jésus est la plus courte définition de la sainteté, une définition qui est également applicable aux variétés innombrables de cette union dont Marie est le modèle. La grâce spéciale de toutes dévotions envers Marie est l'union avec Jésus. C'est là ce qu'elles enseignent toutes, et avec cette leçon, elles apportent dans nos âmes un esprit réel et prédominant, une grâce substantielle qui nous transforme. Marie est inséparable de Jésus, l'Esprit de Marie est la communication de l'Esprit de Jésus, la plus grande qui puisse exister. Jésus est le sens, la signification, le motif, le but, la vie de Marie. L'action de Jésus et celle de Marie approchent aussi près que possible d'être une action unique. Jésus est notre modèle, mais nous devons le copier comme Marie le copiait. C'est l'office de Marie de nous enseigner ce devoir et d'être notre modèle d'imitation. Nous devons tout faire en union avec Marie, et c'est alors que nous ferons tout mieux en union avec Jésus. Mais la dévotion aux douleurs de Marie nous conduit très directement, très promptement et très universellement à faire toutes choses en union avec elle, car ses douleurs durèrent toute sa vie. Elles furent les plus constantes de toutes ses dispositions, les dispositions dans lesquelles elle fut unie le plus étroitement avec Jésus, le suivant avec la fidélité la plus docile dans tous les mystères des 33 années. Ainsi arrive-t-il que cette dévotion aux douleurs de Marie nous conduit très directement, très promptement et très universellement à faire toutes choses en union avec Jésus, et qu'elle est par conséquent la dévotion la plus élevée envers Jésus, la perfection de la dévotion envers Jésus aussi bien que la perfection de la dévotion envers Marie. Ainsi notre compassion avec Marie participe de la beauté, du pouvoir et de la bénédiction de sa compassion avec Jésus. Elle en fait partie, et nous enlace dans les tendres embrassements de ce divin Maître, qui est tout tendresse et tout amour. Markemdanarchive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.